السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل القرآن هداية للخلق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين الذين عظموا القرآن. Toutes les louanges reviennent de droit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a révélé sur son noble serviteur Al-Qur'an Al-Azim. Et on prie et on adresse nos salutations au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a mémorisé le Coran et l'a enseigné. Et qu'Allah soit satisfait des compagnons qui lisaient le Coran de jour comme de nuit. Sachez que le mois de Ramadan est un mois qui a un grand lien avec le Coran. C'est pour cela qu'il est surnommé le mois du Coran. Dans sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, celui dans lequel a été révélé le Coran en tant que guidé pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc informé de la spécificité du mois de Ramadan, non seulement avec le jeûne, mais également avec son lien, ou également avec Al-Qur'an. C'est le mois dans lequel le Qur'an a été révélé entièrement. Il a bayt al-izzah, au-dessus du ciel de ce bas monde. Et très nombreux sont les livres, ou bien nombreux sont les livres qui ont été révélés dans ce noble mois. Ça n'est pas une spécificité pour le Coran, mais c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala faisait sa révélation sur ses prophètes et messagers. Dans le musnad de l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, le mu'jam al-kabir de l'imam al-tabarani rahmatullahi alayhima, dans le hadith de Wathilat ibn al-Asqa' radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Unzilat suhufu Ibrahim awwal laylatin min shahr Ramadan. Les feuilles d'Ibrahim ont été révélées la première nuit du mois de Ramadan. Wa unzilat at-Tawrat li sittin madayna min Ramadan. Et la Torah a été révélée après six nuits passées du mois de Ramadan. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان. Et les évangiles ont été révélés après 13 nuits passées du mois de Ramadan. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان. Et les الزبور qui a été révélé à Daoud alayhi salam a été révélé après 18 nuits passées de Ramadan. وأنزل القرآن لأربع عشرة خلت من رمضان. Et le Coran a été révélé après 14 nuits passées du mois de Ramadan. Ce hadith montre que le mois de Ramadan a une particularité et un lien très étroit avec la révélation des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses prophètes et ses messagers. Et la première fois que le Coran a été révélé sur le prophète alayhi salat wa salam après avec les premiers versets de sourate al-Alaq et qara bismi rabbika alladhi khalaq. Ça a eu lieu dans le mois de Rabi al-Awwal. Mais avant cela, le Coran a été révélé entièrement dans le mois de Ramadan. Il a bayt al-izza min as-sama' ad-dunya, au ciel de ce bas monde a bayt al-izza. Et cela a eu lieu Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, la nuit de la grande valeur, une des nuits du mois de Ramadan. Dans Sourate Ad-Dukhan, Allah Azza wa Jal nous dit: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons révélé dans une nuit bénie. Et dans Sourate Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé dans la nuit de la destinée. Et Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Ces trois versets nous montrent que le Coran a été révélé dans une seule et même nuit, qui a été qualifiée de Mubaraka, béni, qui a été qualifiée de Dhatu Qadr, de la prédestinée de grande valeur. Et cela en une fois. Puis, il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam qu'il a entendu d'Allah azza wa jal, le seigneur des mondes, durant 23 ans. Durant 23 ans. Comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas, et ses élèves après lui, comme Ikrima, radiallahu anhuma wa rahima. Ainsi, on a parmi les textes, unzil al-Qur'an ou jumlatan wahidatan ila sama'i dunya wa kana bi mawaqi'i nujum wa kana Allah yunziluhu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ba'dahu fi ithri ba'd. Sa'id ibn Jubayr, l'élève d'Ibn Abbas rapporte de lui, radiallahu anhuma, que le Coran a été révélé en une fois au ciel de ce bas monde. Puis il a été révélé au prophète, alayhi salat wa salam, partie après partie, selon les événements. Et pareillement, on rapporte de Ikrima, radiallahu anhu, selon Abdullah ibn Abbas, أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Le Coran a été révélé en une seule fois au ciel de ce bas monde, la nuit de la destinée. Puis il a été révélé après cela, en une vingtaine d'années. Naam. Tout cela nous montre quoi? La grande valeur de ce mois, le mois de Ramadan, et son grand lien avec la révélation, particulièrement Al-Qur'an, Al-Azim. Nous vivons donc des jours bénis qui doivent être ou desquels on doit tirer une grande leçon. C'est donner extrêmement d'importance au Coran et de le lire avec abondance autant que possible. C'est un mois que nous devons immensifier ou plutôt vénérer à travers l'adoration, le jeûne du mois de Ramadan principalement. La prière principalement, prière de nuit également, mais aussi avec la lecture du Coran. Avec la lecture du Coran. Et dans le hadith de Abdullah ibn Abbas rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il y a clairement l'expression de cela. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من خير بالخير من الريح المرسلة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Et sa générosité atteignait son paroxysme lorsque Jibril le rencontrait pour lui lire le Coran. Et Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadan et lui enseignait le Coran. Le messager sallallahu alayhi wa sallam était alors plus généreux avec le bien que les vents envoyés. Que les vents envoyés. Cette communauté a été anoblie par Allah subhanahu wa ta'ala de par ce livre qu'il a révélé et de par cet islam qu'il a légiféré. Il nous a ordonné de nous réjouir de cela en nous disant قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Le Coran a de nombreux attributs. Il a été qualifié de béni. Il a été qualifié de azim, d'immense. Il a été qualifié de karim, de noble. Il a été qualifié de majid. Naam. Et celui qui l'étudie, le lit, le médite et l'applique, Naam, obtiendra, proportionnellement à sa mise en pratique du Coran et son application, Naam, de ses sens, de ses attributs. Et si le Coran est un livre de vie, plus particulièrement dans le mois de Ramadan, les musulmans se doivent de le lire, de le méditer davantage et de l'appliquer davantage. Et les pieux prédécesseurs avaient un lien particulier avec le Coran dans le mois de Ramadan. Al-Aswad rahimahullah ta'ala lisait le Coran dans le mois de Ramadan 30 fois. Il le finissait toutes les deux nuits. Et Ibrahim al-Nakhai rahimahullah ta'ala faisait cela dans les 10 dernières nuits. Dans le cas contraire, il le lisait tous les 3 jours. Quant à Qatada rahimahullah ta'ala, il le finissait une fois par semaine en dehors du mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, il le finissait toutes les 3 nuits. Et dans les 10 dernières nuits, il le finissait toutes les nuits. Quant à l'imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, lorsque le mois de Ramadan entrait, il disait son programme, فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ. Ça n'est que la lecture du Coran et le fait de nourrir les gens. Quant à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il s'éloignait de la lecture du hadith, dont il était savant, et des assises des savants dont il était friand. Et il s'adonnait entièrement à la lecture du Coran, en prenant le mushaf dans ses mains. Il s'éloignait de quoi? Il s'éloignait de la lecture du hadith qui était plus cher à ses yeux que toute autre chose. On ne dit pas qu'il s'éloignait de la médisance, des mauvaises paroles, des péchés et autres. Il était loin de cela. Il s'éloignait du hadith. Allahu Akbar. pour s'adonner à la lecture du Coran. Et Sofiane al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, lorsque le mois de Ramadan arrivait, il délaissait les actes recommandés parmi les adorations et il se dirigeait vers la lecture du Coran. Et Qatada, rahimahullahu ta'ala, étudiait le Coran dans le mois de Ramadan ou l'enseignait. Donc, de prendre soin du Coran par la lecture, la mémorisation, l'enseignement, l'apprentissage, le rappel, la méditation, son application, tout cela fait partie des choses que doit faire le musulman. Et plus particulièrement dans le mois de Ramadan. Et le fait d'être proche du Coran a de nombreux mérites. Avec cela, tu obtiens le fait d'être le meilleur. En effet, Othman ibn Affan radiallahu anhu rapporte, ou l'imam al-Bukhari rapporte que Othman ibn Affan radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Donc cette caractéristique d'être le meilleur est rattachée à quoi? Au Coran. Plus la communauté se rapproche du Coran, plus elle sera la meilleure. Et nous voulons tous être les meilleurs. Et pour ce faire, on a emprunté différents chemins. Mais où sont ceux qui font le plus d'efforts dans le Coran? Que ce soit leur personne, leur famille, leurs enfants et autres. Wala hawla wala quwwata illa billah. Lorsque Othman ibn Affan a rapporté ce hadith, il a mémorisé le Coran et l'a enseigné. Celui qui a mémorisé ce hadith de lui-même a mémorisé le Coran et l'a enseigné. Et ainsi de suite. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, rahimahullahu ta'ala, a mentionné dans son livre Fada'il al-Qur'an que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma disait « Alaykum bil Qur'an, fata'allamuh wa'allimuh abna'akum » Prenez soin du Qur'an, prenez ce Qur'an, étudiez-le, enseignez-le à vos enfants. فَإِنَّكُمْ عَنْهُ تُسْأَلُونَ À son sujet, vous serez interrogés. وَبِهِ تُجْزَوْنَ Et pour cela, vous serez récompensés ou rétribués. وَكَفَى بِهِ وَعِظًا لِمَنْ عَقَلَ Et il suffit comme exhortation à celui qui le médite. Et le musulman a d'énormes bénéfices en plus de cela, à être proche du Coran, à le lire. Al-Bukhari Muslim rapporte que Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mahiru bil-Qur'an ma'a safari al-kiram al-barara, wal-ladhi yaqra'u al-Qur'an wa tata'ta'u fih, wa huwa alayhi shaq lahu ajran. Celui qui lit le Coran avec aisance et avec les nobles anges. Quant à celui qui lit le Coran en butant sur les mots avec difficulté, il obtiendra deux récompenses. L'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, rapporte que Uqbat ibn Amir, radiallahu anhu, a dit, nous sommes sortis, ou bien le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti vers nous. Alors que nous étions dans un endroit. فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ وَيَغْدُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانٍ أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كومين في غير إثم ولا قطيعة رحم. Les compagnons pauvres étaient dans l'endroit qu'ils avaient l'habitude d'occuper à la mosquée Le prophète alayhi salat wa salam est sorti vers eux et leur a dit: qui aimerait chaque matin se rendre à Budhan ou à tel autre endroit, Al-Aqiq, puis revenir avec deux grosses chamelles bien grasses, sans avoir commis pour cela de péché ni coupé de lien de parenté? Fakulna kulluna nuhibbu dhalik. Nous répondîmes: nous aimerions tous cela. Qala afala yardu ahadukum ila al-masjid fayata'allama aw fayaqra ayatayn min kitabillahi 'azza wa jalla khayrun lahu min naqatayn wa thalath khayrun lahu min thalath. L'un de vous ne va-t-il pas se rendre à la mosquée et lire ou apprendre deux versets? Cela sera meilleur pour lui que deux chamelles. Ou trois versets, cela sera meilleur pour lui que trois chamelles. Et quatre versets, cela sera meilleur pour lui que quatre chamelles. Et un nombre égal de chameaux. Il s'adresse à des gens pauvres. Et il leur montre que la vraie richesse, elle est dans le Coran. Et que c'est dans cela qu'on doit rivaliser. Donc si tu vas à la mosquée de bonne heure, et que tu lis des versets du Coran et tu tentes de mémoriser ces versets, c'est meilleur pour toi que de revenir avec les plus grandes richesses. Et il y a une grande bénédiction dans la lecture du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, comme le rapporte l'imam Muslim selon Abu Umam al-Bahili radiallahu anhu: iqra'u al-Quran fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabih. Lisez le Coran, car il viendra en tant qu'intercesseur pour ceux qui le lisaient le jour de la résurrection. Le Coran intercédera en faveur de ses adeptes. Et dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, il y a un ajout: alladhina ya'maluna bih, kanu ya'maluna bih. Le prophète alayhi salat wa salam dit: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. Le jour de la résurrection, on apportera le Coran. Ses adeptes qui le mettent en pratique dans ce bas monde, Al-Baqarah et Al-Imran précéderont le reste. Et argumenteront en faveur de celui qui les lisait. Abdullah ibn Mas'ud, comme le rapporte l'imam al-Tirmidhi, nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif la mim harf walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la grande bénédiction qu'il y a à beaucoup lire le Coran. Car pour chaque lettre, tu es récompensé. Il nous dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura pour cela une récompense. Et chaque récompense sera multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre. Mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Subhanallah. Pour chaque lettre lu du Coran, tu as cette grande récompense. Tu as cette grande récompense. Prends pour exemple Sourate Al-Baqarah. Prends pour exemple Sourate Al-Baqarah. Il y a 286 versets. Le nombre des mots de Sourate Al-Baqarah, c'est 6144. Et l'addition de nombre de lettres, c'est 25613. 25613 récompenses. 25613 lettres qui te seront multipliées par 10. Combien de récompenses si tu lis le Coran? Combien de millions de récompenses? Si tu prends juste Al-Fatiha, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, c'est d'énormes récompenses. Ce sont d'énormes récompenses. Mais on ne s'en rend pas compte. Si tu prends Sourate Al-Imran ensuite, il y a 200 versets, 3503 mots, pour 14605 lettres. Combien de récompenses? Très rapidement, tu atteins le million de récompenses. Avec Al-Baqarah, plus d'un quart de million. Avec Ali Imran, plus de 140 000. Et ainsi de suite. Tu finis le Coran. Une fois, tu as plus de 3 millions de récompenses. Tu finis le Coran une fois. Tu as plus de 3 millions de récompenses. Il y a 323 671 lettres, taqriban. Tu multiplies cela par 10. Tu as 3 236 000. À plus de 3 236 000 récompenses. Chaque lettre que tu vas lire du Coran, Allah Azza wa Jal te la multiplie par 10. Que dire alors de celui qui a pour habitude de lire le Coran? Quotidiennement, il lit le Coran. Quelle sera donc sa récompense? Quelle sera donc sa récompense? Cette chose est simple, met tawfiq wa aziz, mais la réussite, ça n'est qu'Allah Azza wa Jal qui peut l'accorder. La réussite, ça n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut l'accorder. D'autres textes encore nous vantent les mérites de la lecture du Coran. El Coran ul Azim, c'est la parole d'Allah. Kalamullah, ghayru makhluq, c'est une parole incréée. C'est lui qui a parlé de par le Coran. Il l'a fait entendre à Jibril alayhi salam, l'ange de la révélation, qui lui-même est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela te suffit pour vénérer le Coran, car c'est la parole du Seigneur des mondes. Dans Surah Al-Sajda, Allah nous dit « Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin ». La révélation du livre au sujet duquel il n'y a aucun doute émanant du Seigneur des mondes. Dans Surah Al-Baqarah, « Dhalika al-kitab la rayba fihi ». Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Dans Surah Al-Shu'ara, « Wa innahu la tanzilu rabbil alamin ». نزل بي روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. C'est certes la révélation du Seigneur des mondes. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Allah عز وجل a appelé le Coran la parole d'Allah. Et cela te suffit pour connaître la valeur du Coran. Car comme il fut dit, la suprématie du Coran par rapport aux autres paroles est semblable à la suprématie d'Allah au-dessus de ses créatures. Le Coran a un mérite tellement colossal que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « La hasada illa fithnatayn » Il n'y a pas de jalousie à voir si ce n'est dans deux choses, d'envie à voir si ce n'est dans deux choses. C'est-à-dire la ribta. On n'a pas à souhaiter être à la place d'une autre personne, si ce n'est dans deux cas. Le premier, rajulun atahu Allah al-Qur'an, fa huwa yaqumu ana al-layl wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allah malan fa yunfiquhu ana al-layl wa ana an-nahar. Un homme à qui Allah a donné le Qur'an, alors il le récite de nuit comme de jour. Et un homme à qui Allah a donné de l'argent, il le dépense de nuit comme de jour. On ne doit pas souhaiter être à la place de quelqu'un si ce n'est ces deux cas-là. Parmi les mérites de la lecture du Coran, comme le rapporte Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu dans le recueil d'Abu Daoud radiyallahu anhu wa rahimah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: yuqalu li sahib al-Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. On dira à l'adepte du Coran: lis, élève-toi et psalmodie comme tu le faisais dans ce bas monde. Ta place sera au dernier verset que tu auras récité. Ainsi, des savants disent, les degrés du paradis sont semblables au nombre de versets du Coran. Plus tu liras de ce que tu auras mémorisé appliqué, plus tu seras élevé dans les degrés du paradis. Et Abu Umama, radiallahu anhu, disait: احفظوا القرآن ميموريزي القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعن وع القرآن. الله أكبر. أبو أمامة الباهلي disait: ميموريزي القرآن car certes Allah ne châtiera pas avec le feu un cœur qui a mémorisé le Coran. Rapporté dans شرح السنة de البغاوي. Et خباب بن الأرت رضي الله عنه disait: تقرب إلى الله ما استطعت. Rapproche-toi d'Allah autant que possible. فإنك لن تتقرب إليه بشأن أحب إليه من كلامه. Et sache que tu ne te rapprocheras pas de lui par une chose plus aimée auprès de lui que sa parole. Allahu Akbar. Rapporté par Al-Baraoui dans Sharh al-Sunnah. Et Al-Hasan al-Basri رحمه تعالى disait: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على عباده. Le mérite du Coran sur l'ensemble des paroles est semblable au mérite d'Allah sur ses serviteurs. Rapporté par Al-Baraoui dans Sharh al-Sunnah. Le Coran, c'est la balance sur laquelle on va peser nos êtres, notre foi et notre amour qu'on porte à Allah Azza wa Jal. Notre amour qu'on a de cette religion. De prétendre, d'avancer des prétentions, c'est facile et accessible à tout le monde. Mais la véracité s'observe lors de l'épreuve, lors du test. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, comme c'est rapporté dans Sunnah du fils de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhima, من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فيعرض نفسه على القرآن. Celui qui veut savoir est-ce qu'il aime Allah Azza wa Jal véritablement, qu'il expose sa personne au Coran. فَإِنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَوَ يُحِبُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَإِنَّمَا الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. S'il a aimé le Coran, alors qu'il sache qu'il aime Allah Azza wa Jal, car le Coran n'est que la parole d'Allah Azza wa Jal. أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Voici ce que nous dit Allah dans Sourate Yunus. Ô vous les gens, vous est venue une exhortation de la part de votre Seigneur et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Dans Sourate Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et nous révélons du Coran ce en quoi il y a une guérison, une miséricorde pour les croyants. Et cela ne fait qu'ajouter aux injustes en perte. Donc le Coran, c'est la meilleure exhortation. C'est l'exhortation d'Allah, le Seigneur des mondes. Le Coran, c'est la meilleure guérison, mais il faut le bon médecin. Avec le Coran, tu peux tout soigner. Toute maladie. Le Coran, c'est la meilleure guidée. Le Coran, c'est une miséricorde pour les croyants. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate Al-Isra: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lil-lati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Il guide vers ce qu'il y a de meilleur. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants qui font de bonnes œuvres, qu'ils auront une grande récompense. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui donnent le droit à cette lecture. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Le lire comme il se doit, les savants disent que ça comprenait plusieurs choses. Premièrement, la science du tajwid, le fait de sortir chaque lettre de son endroit convenablement. De le lire, de le mémoriser. Deuxièmement, de le méditer. Allah Azza wa Jalla nous dit: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha am lam yadabbaru al-qawl?" Ne vont-ils donc pas méditer le Coran ou ont-ils des cadenas sur les cœurs? Méditer, c'est-à-dire chercher les sens, chercher à les comprendre, chercher à être touché par le Coran. Troisièmement, le mettre en pratique. Troisièmement, le mettre en pratique. El Hassan al-Basri disait: le Coran a été révélé pour son application, les gens ont pris sa lecture comme application. C'est-à-dire qu'ils rivalisent de belles voix et de, mais ils ne mettent pas en pratique le but ultime, sa mise en pratique. Allah Azza wa Jal nous montre la bénédiction du Coran et nous ordonne de le méditer, de l'écouter avec attention. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et avec cela, tu obtiendras la miséricorde. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Et Allah Azza wa Jal nous a décrit l'état de ceux qui écoutent attentivement le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et dépensent de ce qu'on leur octroie. Voici les vrais croyants. Ils ont des hauts degrés auprès de leur Seigneur, un pardon et une noble subsistance. Ceux qui écoutent le Coran entretiennent l'arbre de la foi. Ils l'irriguent et l'arrosent régulièrement. La lecture du Coran, son écoute, sa méditation, son application, tout cela fait partie de la foi et en même temps de ce qui augmente la foi. Que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, dans la prière obligatoire ou dans la prière recommandée. Allah Azza wa Jal nous dit: Aqimi s-salat al-idulouki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Aussi la lecture de l'aube, car la lecture du l'aube a des témoins. Et de la nuit, consacre une partie pour les prières recommandées afin que ton Seigneur te ressuscite en une position glorieuse ou louable. Donc, un des meilleurs moments pour la lecture du Coran, c'est la prière obligatoire et la prière recommandée. Allah Azza wa Jalla a fêté les éloges, ô toi qui lis le Coran. Inna alladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Allahu Akbar. Dans ce verset, il y a de nombreuses leçons. Parmi les leçons, le fait que la lecture du Coran soit une adoration. Car vous n'êtes pas sans savoir que la lecture du Coran, ou plutôt les éloges d'Allah Azza wa Jalla en faveur de ceux qui lisent le Coran, prouve que la lecture du Coran est une chose aimée chez Allah. Et si elle est aimée, c'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a légiféré et récompense pour cela. Et récompense pour cela. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla fait les éloges de ses serviteurs pour une action, une parole, c'est qu'il aime et agrée cette parole, cette action. C'est donc une adoration. Et ici, Allah Azza wa Jalla fait les éloges de ceux qui lisent le Coran. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla a juxtaposé la lecture du Coran de la prière. Et la prière, c'est une adoration connue de tous. Ainsi, la lecture du Coran fait partie des meilleures adorations chez Allah Azza wa Jalla. Troisièmement, on a cité al-sadaqat, al-nafaqat, le fait de dépenser pour Allah Azza wa Jalla. Tout cela est aimé chez Allah, tout cela fait partie des adorations. Et ces trois choses-là font partie des leçons du mois de Ramadan. La lecture du Coran, l'application de la prière et al-sadaqat, comme on le verra inshallah dans les jours à venir. Un autre verset qui montre les effets de la lecture et de l'écoute du Coran sur les serviteurs pieux. Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqash'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah fait descendre le plus beau des récits, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voici le guide d'Allah, par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Tu écoutes le Coran, les histoires se répètent. Mada, réciter ou raconter de manière différente. Il y a les versets sur la peur, sur l'immensité d'Allah Azza wa Jal, et cela suscite la peur et la frayeur. Puis il y a les versets sur le pardon d'Allah, sur sa miséricorde, sur le paradis, et cela amène la douceur du cœur et l'espoir. Il y a les versets sur la description d'Allah, sa beauté, sa perfection, sur les dons d'Allah, sa générosité et ses grâces, et cela développe l'amour. Ainsi, lorsque tu lis le Coran, tu passes par un panel de sentiments, de servitude, l'amour, la crainte, l'espoir, le désir, l'humiliation, le rabaissement. Na'am. Et tout cela pour la parole d'Allah Azza wa Jal. Et les versets dans ce sens sont multiples. Et malgré la grandeur du Coran, malgré la lourdeur du Coran, on nous a facilité sa méditation. Et on en a fait une douceur. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Un livre que nous avons révélé sur toi, que nous avons rendu béni, afin qu'il médite ces versets et que les gens doués d'intelligence se rappellent. Allah Azza wa Jalla a ordonné sa lecture. أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ وَأَقِمِ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Lis ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. Certes, la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Et le rappel d'Allah est encore plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Warattil al-Qur'an tartila » et Psalmo dit « Le Qur'an ». Et nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Et Allah Azza wa Jal nous a légiféré et nous a encouragé à Salatul Tarawih. Allah Azza wa Jal dit « Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wa an-nahara. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Dans ce verset, on nous parle de la prière de nuit. Et certains savants disent que la prière de nuit était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la traduction des sens, on nous dit à la fin, ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout, moins de deux tiers de la nuit ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne serez jamais passé toute la nuit en prière. Il a usé envers vous d'indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de grâce d'Allah. Et d'autres encore qui se lanceront dans le chemin d'Allah. Récitez donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés. Et cela fera l'objet d'une future leçon. Wallahu a'lam wa salli allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا وسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا جعلنا لك شاكرا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن عوراتنا روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وإن فوقنا، ونعوذ بك بعظمتك أن نغتال من تحتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. والله أعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.